Seigneur El Khalif et Kimoz. Seigneur El Khalif et Kimoz pour trafic d'influence. Je prends le Piper, mais je gratte vite avec sa nuance. Ça part en couille, même si t'as des parents cool. Influencé, tu tises et tu fumes des tares en cours. Et pire encore, la mort te donne regard sur un brancard. Et dès ta sortie d'hôpital, tu pars traîner sur un bancard. Tes sauces t'engraînent dans une impasse où le mal est fait. Leur esprit maléfique déteint sur toi. Et tes malfaits que ça fait sur ta personne, tu deviens con au final. Et toi, t'es persuadé que ça vient de la merde que t'inhales. Non, tu changes comme tous, l'influence t'a dégradé. Elle te pousse à faire des choix et ça change rien si t'es gradé. Elle m'a regardé, je suis tombé sous son charme. Et comme un teubé, j'ai pas su griller son char. Elle m'a berné comme un âne avec la carotte. Elle m'a fait croire que la citrouille se transforme en carrosse. À cause de l'influence, nous sommes des artistes en danger. Ici y'a trop nos assistants, ce rappeur engagé. Sur nos têtes il pleut des coups, on a l'habitude d'en manger. On lâche des cesses d'enrager, on pourrait les vendre en sachet. À cause de l'influence, nous sommes des artistes en danger. Ici y'a trop nos assistants, ce rappeur engagé. Sur nos têtes il pleut des coups, on a l'habitude d'en manger. On lâche des cesses d'enrager, on pourrait les vendre en sachet. Trafic d'influence, c'est devenu n'importe quoi. Et Kimoz Khalif le dénonce, c'est qu'importe le poids. Je rappe pas selon l'influence, sache que je ferai des scènes. Je n'attends plus mes scènes, il n'arrivera pas de bonnes rimes. J'en fais 2 sur 3, donc je galère de surcroît. T'as l'air sûr de toi en déclarant que je vaux pas le copec. Alors que je me bats pour un disque compact afin de triompher comme Emile Zardopec. Au fait, c'est topé les mecs pour qu'on signe un pacte. On chope les contacts car en ce moment dès qu'on dicte un avenir opaque. Messieurs, les cowboys de la BAC, c'est vous que j'interpelle. La jeunesse n'est pas du bétail. Pourtant, si la génisse s'enclenche la bataille, ce sera l'abattoir pour toute ton racaille. À cause de l'influence, nous sommes des artistes en danger. Ici y'a trop de non-assistants, ce rappeur engagé. Sur nos têtes il pleut des coups, on a l'habitude d'en manger. On lâche des cesses d'enrager, on pourrait les vendre en sachet. À cause de l'influence, nous sommes des artistes en danger. Ici y'a trop de non-assistants, ce rappeur engagé. Sur nos têtes il pleut des coups, on a l'habitude d'en manger. On lâche des cesses d'enrager, on pourrait les vendre en sachet. Arrête de croire que l'influence t'épargne dès le départ. Tu le sais pas, mais elle suit tes premiers pas. Influencé par escar, chez moi y'a pas de paresse car. J'agis par respect, et quand l'influence t'es, je reste calme. 3-5-3-0, ma rime te glace comme ce pléro. Direct je m'enfile la prod comme ta chatte s'enfile un Toblerone. Et Kimoz, Seigneur El Khalif, c'est l'influence. Pour inspire, je respire, c'est tout ça sans influence. Le truc important, c'est prendre parti et sortir des rangs au moment opportun. Une grande impatience nous pousse à partir. Je vais pas m'abattir sur le sort de la patrie. Pourquoi ? Sur une terre d'accueil, des gens se sentent exilés. La faute sûrement d'un passé mal assumé. Pas rien à faire en sorte que ces gosses aient du mal à s'aimer. À cause de l'influence, nous sommes des artistes en danger. Ici y'a trop de non-assistants, ce rappeur engagé. Sur nos têtes il pleut des coups, on a l'habitude d'en manger. On lâche des cesses d'enrager, on pourrait les vendre en sachet. À cause de l'influence, nous sommes des artistes en danger. Ici y'a trop de non-assistants, ce rappeur engagé. Sur nos têtes il pleut des coups, on a l'habitude d'en manger. On lâche des cesses d'enrager, on pourrait les vendre en sachet. À cause de l'influence, nous sommes des artistes en danger. Ici y'a trop de non-assistants, ce rappeur engagé. Sur nos têtes il pleut des coups, on a l'habitude d'en manger. On lâche des cesses d'enrager, on pourrait les vendre en sachet. À cause de l'influence, nous sommes des artistes en danger. Ici y'a trop de non-assistants, ce rappeur engagé. Sur nos têtes il pleut des coups, on a l'habitude d'en manger. On lâche des cesses d'enrager, on pourrait les vendre en sachet.